Section 7 de Pâques d'Islande par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Pâques d'Islande, la nuit des feux. 3. Où est la fille à la guirlande? A crié Pierre Tanguy. Le bûcher est terminé. Il ne reste plus qu'à suspendre à l'extrémité de la perche qui en forme l'axe la guirlande de fleurs qui le doit couronner. Et c'est à une fille de 20 ans, la plus fraîche héritière du clan de Croazwarn, qu'il appartient de mettre au tantad cette parure suprême. « Gaïd ! Gaïd, Anne Tinévez !» brame la foule comme en délire. La Vierge, car il faut qu'elle n'ait pas connu d'homme, s'avance, un peu confuse, la tête baissée, et monte à l'échelle au milieu des acclamations de tout le peuple. Pierre Tanguy l'aide à se hisser jusqu'au sommet. Son bras, passé derrière sa taille, lui fait un sur-rempart, et elle peut vaquer sans crainte à la décoration du bûcher. Elle attache d'abord à la pointe du mât une quenouille vêtue de laine blanche, puis, à l'entour, elle dispose les fleurs, des digitales arborescentes comme il n'en pousse que dans ses cantons, des iris des prairies, des silènes, des orchidées sauvages, des chapelets de feuilles de houx. Le gars et la fille sont descendus. Tanguy constate avec satisfaction que les apprêts ont marché vite. Nulle flamme encore ne brille sur les ménèzes circonvoisins. Cette année, comme les précédentes, le feu de Croazwarn va donner le signal de l'embrasement sacré. Paix, maintenant, et rangez-vous. C'est toujours le beau paysan qui commande en maître. Armé de sa fourche, il fait reculer la foule à une distance respectueuse du tantad et docilement on lui obéit. L'instant solennel est arrivé. Le silence, le recueillement est complet. L'assistance, massée en cercle, garde une immobilité pour ainsi dire religieuse dans l'attente du premier jet de clarté, de la soudaine montée de flammes dans la nuit. On ne peut lire sur les visages, mais les attitudes sont caractéristiques. Dans toutes ces âmes continuent de vivre intensément les deux grands sentiments qui se sont partagés l'humanité primitive. La peur de l'ombre et l'adoration de la lumière. Appuyé des deux mains sur un bâton, soutenu à gauche et à droite par Tanguy et par un autre montagnard, un vieillard tout cassé se traîne qu'à un quart vers le tantad. À côté de nous, une femme murmure « Tant mieux, puisque le tadiou a pu venir ». Et le vicaire me chuchote à l'oreille « Saluez le Nestor du pays. On ne sait au juste quand il est né, mais assurément pas dans ce siècle. Un drôle de corps, je l'extrémise en moyenne 4 fois par an. Il appelle les gens de la maison pour le regarder mourir, reçoit le viatique, s'endort et le lendemain se réveille en demandant sa soupe. C'est ça une mémoire qui doit en contenir des trésors. Malheureusement, il est sourd comme un pot et, d'ailleurs, tombé en enfance. Il est si vieux qu'il n'a plus de nom. On dit, en parlant de lui, le tadiou, l'ancêtre. Les autres quartiers de Motreff l'envient, paraît-il, à Croazwarn. Ils n'ont pas, pour mettre le feu à leur bûcher, de personnages aussi vénérables, et dont l'âge se perde aussi loin dans la profondeur des temps. Et puis, le tadiou possède des secrets. Il a vécu dans le commerce des grands sorciers d'autrefois. Il a retenu de leur bouche des recettes magiques, qu'il a fait serment de ne jamais révéler, mais qu'il utilise à l'occasion pour le bien de ses proches. Que si ses facultés ordinaires se sont éteintes, ses facultés surnaturelles persistent. Il ne sait plus le sens des formules qu'il marmonne, mais les paroles qu'il prononce machinalement n'en agissent pas moins par leur vertu propre. Sa présence au feu de Croazwarn n'est pas pour rien dans la réputation dont ils jouissent. Il écarte d'un geste les nuages prêts à crever. Il modère la violence du vent. Il incite la flamme à brûler, à resplendir, à s'élever vers le ciel, pacifique et bienfaisante. C'est là, du moins, ce qui se raconte. Il faut voir avec quelle déférence Pierre Tanguy et son acolyte escortent les pas chancelants de ce débris d'humanité quasi séculaire. Maintenant, il lui place dans la main une chandelle allumée, une de ces longues et minces chandelles de résine qui sont encore le seul mode d'éclairage usité dans les chaumières bretonnes, aux veillées d'hiver. À sa lueur, la figure du vieux nous apparaît grimaçante, sinistre, la bouche fendue par un large rictus, les pommettes saillantes, les joues vidées de rares mèches de cheveux, non pas blancs, mais décolorés, s'échappant d'une calotte graisseuse et se mêlant sur le dos aux poils d'une veste barbare en peau de chèvre, qu'on prendrait pour le sayon préhistorique de quelque chasseur d'auroch. Il esquisse un signe de croix, bredouille deux ou trois mots indistincts, l'oraison du feu à ce que prétendent les commères, et plonge enfin le brandon dans une ouverture que l'architecte paysan a eu soin de ménager à la base du tantad. Là est la gerbe bénite, celle qui doit flamber la première dans tout bûcher construit selon les règles. Je regarde l'assistance, les corps sont penchés, les coups tendus en avant. La flamme hésite un instant, puis la jonc pétille avec un bruit sec, et des langues de feu jaillissent comme de la gueule embrasée d'un four. Elles escaladent les flancs du tantad, vont lécher là-haut les digitales et les iris dont les tiges frémissent et se tordent. En même temps, une clameur retentit, une clameur frénétique, hurlée en chœur par quelque 200 voix d'hommes, de femmes, d'adolescents. « Han Tan ! Han Tan !» Note. « Le feu ! Le feu !» Fin de note. Les mères secouent les nourrissons endormis dans leurs maillots, les érigent en l'air devant la flamme sainte au bout de leurs bras levés. « Que la bénédiction de Monseigneur Saint-Pierre soit sur nos petits !» Si rapidement qu'on l'ait édifié, le bûcher ne laisse pas d'avoir été pénétré par le brouillard, de sorte qu'il s'en exhale une fumée épaisse qui enveloppe peu à peu toute la cime. Et le spectacle est fantastique de ce grouillement d'ombres humaines, au milieu de ces tourbillons grisâtres, qu'illuminent à tout moment de brusques éclats d'incendie. Mais des souffles passent, brises intermittentes des nuits d'été. Les fumées montent, planent, se dispersent en retombant, et glissent vers les bas-fonds où elles s'évanouissent, comme les fantômes l'ont voilé des légendes. Et, sur la crête balayée, le feu règne en maître, le feu père de la sécurité, le feu qui chasse les terreurs mauvaises et ramène les pensées fortifiant, le feu vivante idole des premiers âges et qui éveille encore comme un frisson des anciens cultes dans la conscience tenace des Celtos bretons. La masse entière du tantad flamboie avec des grondements, des râles sourds, une puissante haleine de monstre. Il hérisse son immense crinière rouge, plongeant les lointains, le cirque des montagnes environnantes, en des ténèbres d'autant plus profondes qu'il rayonne d'un éclat plus ardent. Le ciel, dont les brumes se sont déchirées, semble une mer immobile, suspendue très haut, où, çà et là, des archipels de nuages revêtent aux lueurs du brasier de somptueuses teintes de pourpre. Mais c'est surtout l'assistance qui donne au tableau son relief énergique, sa grande et forte originalité. La race est belle dans ces montagnes. Il y a, parmi cette foule violemment éclairée, des types merveilleux de bretons bruns aux figures rases et fines, hâlés par le soleil et par le vent, et dont les traits respirent une distinction native, l'espèce de majesté particulière aux tribus de pasteurs. Les hommes portent le choupen, la veste de laine rousse ou de peau de bête, jetée en travers sur l'épaule. L'entrebâillement de la chemise de chanvre laisse voir le cou maigre, la poitrine robuste et velue. Quant aux femmes, elles ont une fleur de jeunesse vraiment exquise, très vite fanée, paraît-il, bien avant la trentaine, à cause des fatigues multiples et des labeurs disproportionnés, mais dont les couleurs, plus tard, semblent se raviver avec l'âge et répandent jusque sur les rides des vieilles comme un renouveau de fraîcheur. Les jouvencelles, pour la plupart, sont délicatement jolies, ont une suavité de ligne qu'on ne trouve guère en Bretagne que dans cette région des Ménèzes, avec quelque chose de religieux dans l'attitude et, dans l'expression du visage, une sorte de fatalisme doux. Han Tan ! Han Tan ! Chaque fois que, stimulée par les souffles de la nuit, la flamme jaillit plus éblouissante, la clameur reprend et se prolonge, puis s'éteint, apaisée, en une plainte légère, en un vague fredon mélancolique. Durant un intervalle de silence, un petit homme grêle à mine souffreteuse, s'approche du bûcher, en arrache un tison et le faisant tournoyer au-dessus de sa tête. « Écoutez, Jean, dit-il, écoutez la chanson du feu. » À sa mise proprette, à la finesse et à la blancheur de ses mains, à ses jambes arquées, les genoux en dehors, il est aisé de reconnaître en lui un de ces tailleurs de campagne qui passent les journées assis à la façon des Bouddhas sous l'auvent de paille des granges, à coudre patiemment d'une aiguille aussi épaisse qu'une haleine de cordonnier les vêtements inusables des laboureurs de ces contrées. Ils gagnent à ce métier leur nourriture et un salaire de 20 liards, mais ils y goûtent en revanche des joies de contemplation et de pensée interdites aux fermiers qui les emploient, même aux plus cossus. Tandis que leurs bras travaillent d'un mouvement machinal, leur esprit vogue en liberté par les chemins ondoyants du rêve. Fils d'une race qui ne semble faite que pour la vie intérieure et qui reçut au berceau le don de poésie, ils ruminent au cours des longues heures sédentaires les épisodes de quelque histoire merveilleuse ou les couplets de quelque chanson. « C'est cela, dit à Gwerz, la Gwerz du feu !» cria la foule au tailleur de Croaz-Houarn. Et, sans cesser de brandir son tison, il commence. Et voici que, de la poitrine étriquée de cette espèce d'avorton, s'élève une voix superbe, d'un registre si mâle, d'une sonorité si ample, que ses accents font vibrer au loin les murs de ténèbres de la nuit. Il chante. Hola, Potred, hola, Mered, les êtres au Coan, Anter, Debred, les êtres Arloa, Bars, Escudel, Hagari et Hanhoz, Zantel, Mewel, Arinoz, Antaniu, Skelerien, Vraz, Er, Menesiu, Taniu, Santian, Taniu, Sanprer, Gretu, Peb, Hini, Totever, Bars, Escudel, les êtres Arloa, Urbar, Keneud, Der, Varbep, Skoa, Nebvo andiveza fenos, von diveza aer barados. Hola, garçon, hola, fille, laissez votre repas à moitié mangé. Laissez la cuillère dans l'écuelle, car elle arrive la nuit sainte. Je vois venir la nuit des feux, la grande clarté sur les montagnes. Feu de Saint-Jean, feu de Saint-Pierre, faites chacun votre devoir. Dans l'écuelle, laissez la cuillère. Jetez un fagot sur chaque épaule. Celui qui restera le dernier cette nuit sera le dernier au paradis. La sueur coule du front du chanteur. Il s'éponge du revers de sa manche, s'arrête un instant pour souffler, tandis que l'assistance répète en chœur ce verset d'allure biblique où flambe la vision du haut paysage nocturne illuminé par les tantades. Voici venir la nuit des feux, la grande clarté sur les montagnes. « Hardi, hardi, Potarwesken !» prononce en guise d'encouragement Pierre Tanguy. Note, l'homme au dé, fin de note. Et le petit tailleur repart de plus belle. Il montre les gens des métairies, chefs de maison, ménagères, bouviers, charretiers, servantes, et jusqu'aux enfants à la mamelle, grimpant en fils interminables vers les placîtres consacrés. Il énumère tous les lieux de Motreff que des bûchers couronnent cette nuit, semblables à des tours. Il célèbre spécialement le bûcher de Croaz-Houarn, qui est au-dessus des autres comme le clocher de l'église au-dessus des toits du village. Il dit la splendeur du brasier, les étincelles tourbillonnant comme une danse d'étoiles, les portes du ciel s'ouvrant avec le bruit d'une musique, et Saint-Pierre, debout, sur le seuil, sa grande barbe blanche au vent, bénissant les terres du domaine, promettant à ceux qui les cultivent toutes les prospérités. Répandez la cendre du tantad, vous verrez pousser la semence. Suspendez le tison calciné au chevet du lit, vous verrez croître les enfants. Celui qui a composé cette chanson n'est qu'un pauvre homme des plus humbles. Héri Rohan, tailleur de son état, il a chanté pour le tantad, qu'une vieille à présent récite les grâces, et faisons tous le signe de la croix. Sur cette invitation à la prière, se termine la chanson du tailleur. Il était temps qu'elle prît fin, car le petit homme est à bout de force. Ses tempes ruissellent, ses cheveux pleuvent. Il n'en redresse pas moins son buste court sur ses jambes en forme de parenthèse, et, dans son regard, une fierté brille, quand, par manière d'applaudissement, la foule s'écrie d'une seule voix « Que la bénédiction de Saint-Pierre soit sur Herri Rohan !» Un paysan me dit, d'un ton de confidence, « Vous l'avez entendu, n'est-ce pas que c'est un vrai chanteur ? Nous l'appelons entre nous le rossignol du Ménez. » Lorsqu'il y a 2 ans mourut l'ancien sacristain de Motreff, le recteur vint trouver Herri et lui proposait la place. L'offre était d'importance, 50 écus d'appointements fixes, autant et plus de casuels, sans compter les 3 quêtes d'usage dans la paroisse, quête de beurre, quête de lard, quête de froment. Tout autre se fût empressé d'accepter, mais il fallait abandonner l'aiguille, quitter le quartier, aller habiter le bourg, vivre toute la journée à l'église, se tenir prête au premier appel. Herri Rohan répondit par un merci qui était un refus. « Je suis un oiseau des Landes, dit-il au recteur, et je ne sais chanter qu'en plein air. Vous pensez, mon gentilhomme, si nous lui en avons été reconnaissants ?» Lui parti, la montagne de Croisewarn restait comme une veuve. Qui eût égayé nos veillées ? Qui eût rimé le chant des épousailles pour le mariage de nos filles ? Qui eût entonné le chant du feu autour de notre tantad ? Le bûcher, presque entièrement consumé, ne présente plus qu'un monceau rougeoyant de braise, que surmonte la partie inférieure de la perche, pareil au tronçon d'un mât foudroyé. Au-dessus, dans les remous d'air chaud, planent de menus débris noirâtres, de vagues choses ailées et frémissantes, qui font l'effet d'un vol de papillons de nuit. Des jets d'étincelles fusent par moments et retombent en une pluie d'astres. C'est l'agonie du feu qui commence. Observe, près de nous, une pauvresse à demi dévêtue dans ces misérables haillons. Il règne un silence relatif. On cause par groupes, sans bruit, sans geste. Une rumeur stridente de crécelles se propage jusqu'à nous, du fond des vallons, et ce sont les rainettes des prés de Rosivinou, coassantes à la lune, encore invisibles, mais dont un frisson de lumière pâle annonce la venue, vers l'Orient. À mesure que décroît la clarté du tantad, tout le décor environnant, noyé d'abord comme dans une mer de ténèbres, se précise peu à peu, surgit pour ainsi dire de l'abîme informe, reprend une physionomie, un visage, découpe en arêtes de plus en plus vives sur le vaste horizon ses lignes austères et tourmentées. On a l'impression d'être au centre d'un immense paysage de pierre, tout frais sorti du chaos. Et, surtout le pourtour de ce cirque démesuré, au sommet de toutes ces cimes, massées les unes derrière les autres comme un troupeau, des feux s'allument, flamboient, balaient le ciel, incendiés de leurs larges reflets sanglants. J'essaye d'en faire le dénombrement, mais, de minute en minute, on en voit poindre de nouveau dans les lointains, et le compte est sans cesse à recommencer. Le vicaire me les nomme, le doigt tendu. Celui-ci en face, c'est Kervrer. Celui-là, c'est Rosemeur. Et voici Beghaoun, le pic de l'effroi. Puis Saint-Adrien, Balanec, Toulaéron. Mais il s'y perd lui-même dans sa kyrielle de noms barbares. La contrée entière apparaît comme un camp mystérieux, constellé de feux de bivouac. Telles durent être les nuits d'autrefois, autant d'émigrations de peuples roulant leur horde vers l'ouest et dressant leur foyer d'un soir dans la paix encore vierge des steppes inhabitées. IV. Motreff, le vicaire, le tantad, j'ai tout oublié. Debout sur le point culminant du mont, je regarde, comme en une fresque d'ombre animée par d'incertaines lueurs, se mouvoir les hommes des âges inconnus. J'évoque ces passants de l'histoire primitive. Je suis au milieu d'eux, un des leurs. J'écoute, adossé aux haies mal équarries d'un chariot, le récit de leur longue aventure. Le timbre clair d'une voix d'enfant qu'accompagne en sourdine un bourdonnement de grosses voix, me fait retourner. Devant le tas de braises qui illumine encore d'un rayon mourant le placître de Croaz-Houarn, une fillette à genoux marmotte très vite, avec une sorte de glapissement aigu, une série d'oraisons en langue bretonne. À genoux aussi, l'assistance donne les réponses. C'est la prière autour du Tantad. Pour être plus entièrement à leur dévotion, les mères ont posé à terre leurs nourrissons enroulés dans leur tablier. Je demande à quelqu'un tout bas, ce n'est donc pas le vicaire qui dit les grâces ? Le vicaire, fait-il étonné, c'est un prêtre serviable et un excellent homme, mais il n'est pas du quartier que je sache, il n'a rien à voir ici. Et il m'explique complaisamment qu'ils sont très religieux dans le clan de Croaz-Houarn, qu'ils tiennent leur clergé en très grande estime, qu'aux quêtes annuelles, ils lui réservent le meilleur accueil, mais qu'il y a des cérémonies qui ne se doivent pratiquer qu'entre gens des mêmes parages, à l'exclusion de tout étranger. Cela s'est toujours fait ainsi. Agir autrement, ce serait aller contre la loi des ancêtres. Est-ce qu'on invite le prêtre à la nuit des morts, le soir de la Toussaint, à moins qu'il ne soit de la famille ? Eh bien, à la nuit des feux, on ne l'invite pas davantage. Libre à lui d'y venir en qualité de simple spectateur, si bon lui semble, mais quant à y participer, non pas. Je lui objecte qu'en Trégor, c'est le recteur, en surplis, l'étole au cou, qui met le feu au bûcher. C'est donc que les Trégorois, riposte-t-il, ne respectent plus les vieux usages. Nous, de la montagne, pour rien au monde, nous n'y voudrions manquer. Au plus ancien du pays, il appartient d'allumer le Tantad. À la plus ancienne, il appartient de réciter les grâces. Comment se fait-il que ce soit une enfant ? Ce soir, oui, la prieuse habituelle, la grand-mère de cette fillette, est restée malade au lit. Elle a tout le corps enflé. Il paraît même que son heure est proche, car, dans la journée, les vitres n'ont cessé de trembler, ce qui est, comme vous savez, un signe grave. Alors, ne pouvant venir, elle a délégué la petite pour la remplacer. Elle s'y entend d'ailleurs comme pas une vieille du canton, la gamine. Écoutez-la seulement, un curé même ne débiterait pas mieux. Ainsi me parle le bon montagnard, non sans s'interrompre de temps à autre pour répondre un « ora pro nobis » aux litanies des saints que la prieuse, par procuration, estropie maintenant, vaille que vaille, et qu'elle va faire suivre en un latin non moins sauvage d'un long chapelet de « De profundis ». Accroupie sur les talons de ses sabots, le front incliné sous une cape de flanelle blanche, bordée d'un galon de velours, les mains jointes sous le menton, elle a un délicieux profil de pastour, de Jeanne d'Arc au champ, avec, dans l'expression du visage, un mélange d'entêtement et de douceur. Je reconnais en elle ma petite amie de tantôt, l'élève des sœurs du bourg, la fille au bon de Cabri qui m'a montré le chemin du presbytère. Ai-je dit qu'elle a nom Tina Stéphan ? Elle se dépêche, des vieilles derrière elle lui soufflent, la braise grisonne, Tina, le feu va mourir. Le rite exige que les grâces soient terminées avant que la dernière lueur s'éteigne. Et la voix de l'enfant précipite les syllabes avec le murmure pressé, argentin et monotone d'un ruisseau qui trotte parmi les cailloux. En face de moi, le Tadiou, à qui l'ankylose de ses jambes ne permet plus de se prosterner, se tient courbé sur son bâton de chêne et mâchonne on ne sait quoi entre ses gencives édentées. Ses prunelles fauves, des prunelles de loup, s'éclairent en ce moment d'une apparence de pensée, comme si la flamme du Tantad lui avait rendu le sens de la vie et, plongeant jusqu'au fond de sa mémoire en ruine, en avait fait se lever les fantômes de ses souvenirs. Quelles images du passé peuvent bien se remuer dans cette conscience falote, dans ce cerveau quasi momifié d'un témoin de 100 ans, malheureusement muré dans sa surdité, comme dans une tombe. Pierre Tanguy, non plus, ne s'est pas agenouillé. Il semble pontifier, debout, de l'autre côté du feu, ainsi qu'un prêtre à l'autel. Sa haute stature se détache, lumineuse, sur le ciel d'azur sombre, criblé d'étoiles. En son accoutrement farouche, la main droite appuyée au fer de sa fourche, il donne l'impression de quelque chef antique, présidant à la prière commune, appuyé sur son sceptre fruste en forme de trident. « Allons, prononce-t-il, sitôt que les grâces ont pris fin, placez-vous pour la procession des âmes. » On se range derrière lui, en silence, et un étrange défilé s'organise autour des restes du Tantad. Il s'avance le premier avec le Tadiou, qu'il soutient par les selles. La foule le suit, rythmant son pas sur le sien, les hommes en tête, puis les femmes, et, en dernier lieu, les enfants. Tina Stéphan ferme le cortège. Trois fois, l'imposante théorie rustique passe et repasse devant la cendre qui couve encore et d'où achève de s'exhaler en fumeron blanchâtre l'esprit du feu. Après chaque tour, on fait une pause. La fillette dit « Doué d'abardono, anahanon »« Dieu pardonne aux âmes défuntes » et le cœur répète à mi-voix les paroles de la supplication funèbre. La scène est émouvante dans ce cadre grandiose et triste, sous le dais majestueux de la nuit. Le troisième tour accompli, Pierre Tanguy tire de la poche de sa veste une pierre arrondie, un de ces galets de schiste, polis par les eaux des torrents, qui jonchent en ce pays le flanc raviné des montagnes. Il le marque avec le pouce d'un signe de croix et le dépose à ses pieds d'un geste religieux sur la lisière du Tantad. Un à un, les autres l'imitent. Une triple, une quadruple ceinture de pierre enserre de ses replis concentriques le brasier qui s'éteint. Et comme j'en demande la raison, « C'est pour les Anaon, m'est-il répondu. « Car elles vont venir, les pauvres âmes errantes qui font leur stage de pénitence dans ce désert. Arrachées à leur solitude par tout ce bruit, par tout cet éclat, déjà elles s'agitent confusément, bruissent parmi les bruyères, les herbes, les regains d'ajoncs. À peine les vivants se seront-ils dispersés qu'elles s'abattront, légères et pressées, comme des tourbillons de feuilles automnales, sur l'air chaude où s'éleva le bûcher. Et pour elles, le feu renaîtra, le feu des morts, flammes pâles et douces, dont les clartés ne se voileront qu'aux approches du jour, quand retentira le premier chant du coq dans l'une ou l'autre des fermes du Ménez. Toute une moitié de nuit, elles auront droit de revivre leur existence disparue. Défunts et défuntes du clan de Croaz-Houarn se reconnaîtront, se bonjoureront, rentreront pour quelques heures dans leur personnage d'antan. Ils deviseront là des choses qui leur furent chères, comme jadis, aux veillées du soir, devant l'âtre, dans les logis qu'ils ont abandonnés, et c'est pour leur servir de siège que l'on sème autour du Tantad ces trois, ces quatre rangées de pierres. Chacun de nous a ramassé la sienne aux abords de sa maison, me disent ces braves gens. Vous savez peut-être le proverbe, si tu veux trouver ton lit bien fait, ne te couche point sans penser à tes morts. Il ne me trompait pas, l'ami qui me promettait, pour prix de mes courses dans ces montagnes, le spectacle d'une race demeurée fidèle, à travers les âges, aux plus antiques conceptions de l'humanité. Cependant, sur l'ordre de Tanguy, deux gars s'élancent vers la croix qui domine de son spectre sans tête le sommet du mont. Ils gravissent le piédestal de roche brute, se campent debout de chaque côté du tronc de granit tout velu de lichens et de mousse. On va procéder, selon l'usage, à la mise aux enchères de la cendre du Tantad. L'homme à la fourche rappelle brièvement les conditions imposées. Ne peuvent prendre part à l'adjudication que ceux qui ont fourni leurs brins d'ajon, de fougère ou de paille à la construction du bûcher. L'adjudicataire devra laisser à tout assistant la faculté d'emporter une poignée de cendres. Ne sont pas compris dans la vente les morceaux de bois non entièrement consumés. Enfin, l'enlèvement des cendres ne se fera qu'une heure après le chant du coq, au jour déjà clair, par respect pour les Anaon. C'est entendu, n'est-ce pas ? La foule répond par un sourd murmure d'acquiescement, et les enchères commencent. « Qui parle le premier ?» interroge Tanguy en promenant sur les groupes son regard perçant. La voix flûtée d'une vieille dit « Saint-Pierre, me soit en aide, j'offre 6 réaux. » Note. Les Espagnols ont longtemps séjourné en Bretagne, pendant la Ligue. De là, sans doute, l'habitude bretonne de compter par réaux, le réal valant 25 centimes. Fin de note. Tanguy se tourne vers les deux paysans perchés sur le socle du calvaire. « 6 réaux » crie-t-il. Et les deux paysans, unissant leurs voix, brament de toute la force de leurs poumons, sur le mode à la fois véhément et plaintif d'une espèce d'incantation sauvage. Cyréo en aumône à Saint-Pierre. Heur veher. Heur veher. Diou veher. Note. Une fois. Deux fois. Fin de note. Le son tremble, meurt, renaît, se prolonge. C'est poignant et sinistre. On dirait l'ululement d'une bête aux abois, ou encore, à cause de cette croix à figure de potence, l'appel de détresse d'un couple de suppliciés. Plus les enchères montent et plus la clameur grandit, s'exaspère, jusqu'à devenir je ne sais quelle vocifération surhumaine flottant sur les abîmes de la nuit. J'en ai le cœur serré chaque fois qu'elle s'échappe de la bouche de ces deux hommes, immobiles, là-haut, sur cet entassement de roches, et qu'on prendrait pour des statues de pierre sculptées au pied de la croix. Aussi n'est-ce pas sans quelque soulagement que je vois s'abaisser enfin la fourche de Pierre Tanguy, donnant à entendre que les enchères sont closes. L'heureux adjudicataire est un métayer du lieu de Keralzi. Coût 3 écus de 3 francs, qu'il versera dimanche matin, après la messe basse, au trésor de Saint-Pierre, dans l'église de Motreff. C'est pour rien, grogne un vieux pâtre. De mon temps, la cendre du tantad valait le prix d'une bonne vache. À quoi un autre ancien réplique, une année, mon père resté acquéreur, dut, pour se procurer la somme, vendre un champ. Toute la cime vibre sous un lourd piétinement de sabots. On se presse, on se bouscule, pour emporter au plus vite la poignée de cendre à laquelle on a droit. De fillettes aux airs sages s'en vont, tenant en main, comme des cierges, des brandons fumants. Et j'aperçois plus d'un montagnard qui enferme précieusement un bout de charbon dans sa boîte à briquets. Il n'est pas, dit-on, de talisman plus sûr et plus universel. Je rejoins le vicaire, des mots d'excuse, aux lèvres. « Laissez donc, » interrompt-il. « Pendant que vous rôdiez parmi mes paroissiens, moi, à la clarté de leur tantade, j'ai lu très commodément mes heures du soir. » Nous nous disposons à reprendre le chemin par lequel nous sommes arrivés. Je jette un dernier regard sur le paysage qui, dans un instant, sera retourné à sa solitude, et où va succéder au peuple tumultueux des vivants le discret, le furtif et saint des mânes. Son âpre échine s'est comme adoucie au toucher féerique de la lune. Car l'astre s'est levé, il a dépassé le rempart des collines. Il nage mollement au-dessus de l'horizon dans un champ de nuées dont les sillons moutonneux ondoient comme les vagues d'une mer. Et, sous la caresse de cette lumière, pure et triste, les formes rigides de ces sommets de pierre revêtent des aspects plus souples, plus fluides, plus harmonieux. Des gaz bleuâtres enveloppent les landes. Les feux lointains baissent et pâlissent. Par les lacis des sentiers, dans les ajoncs, les genêts, les orges, des fils d'ombre dévalent vers les chaumières endormies. Les coiffes des femmes brillent sous la lune comme des diadèmes d'argent. Derrière nous, le tronçon de la croix se profile seul sur la crête désertée. Il émane de toute chose une impression de mansuétude, de paix funéraire, de calme infini. Nous marchons en silence. Soudain, au moment de franchir un échalier, une fillette encapuchonnée saute à nos pieds d'entre les brousses du talus. « Quoi donc? Qu'est-ce ? » demande le vicaire, un peu interloqué. « C'est moi, Tina Stéphan, monsieur le curé, la petite du Kerdreuse. J'ai pensé que vous feriez route par ici, alors je vous ai attendu. C'est pour vous prier de passer par chez nous, si cela vous était égal. » Voilà, depuis la nouvelle lune, sa grand-mère n'est pas bien, pas bien du tout. Et ce soir, en revenant de l'école, elle l'a trouvée encore pis. L'enflure avait gagné les membres supérieurs, le cou, la tête, la fièvre la brûlait. J'ai voulu rester auprès d'elle, continue l'enfant, tandis que nous nous engageons à sa suite dans une voie charretière où chante un ruisseau. Mais elle m'a dit « Non, non, il faut que tu montes au tantad, il faut que tu récites les prières à ma place, dans l'ordre où je te les ai apprises. » Elle a ajouté « Si tu n'allais pas, c'est contre moi que Saint-Pierre se fâcherait. Il dépend de toi de me conserver ma part de paradis. » Que répondre à cela ? Je suis allée. Quand je vous ai vu là-haut, je me suis dit « Je demanderai à monsieur le curé d'entrer en passant. C'est pourquoi je vous ai guetté. Vous vous rendrez compte. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il est temps de l'administrer. » Elle trottine devant nous, pieds nus, ses sabots dans les mains. « As-tu prévenu les sœurs que ta grand-mère était malade ?» interroge le vicaire. « Oh oui, sœur Gonzalez l'a visitée et lui a même donné du remède dans une fiole. Mais dès que la sœur a été dehors, ma grand-mère a dit « Ça, c'est de la médecine !» et elle a jeté la bouteille au fumier. Elle a ses idées. Elle croit qu'un emplâtre de cendre du Tantad la guérira mieux que tous les élixirs, si toutefois son terme de vie n'est pas échu. Et elle m'a commandé de lui en apporter plein mon mouchoir. Qu'en pensez-vous, monsieur le curé ? » Monsieur le curé se tait. D'ailleurs, nous sommes chez l'hydropique. Un toit de genêt sur des murs d'argile au milieu d'une chènevière. L'enfant tire la ficelle d'un loquet à chevillette, comme dans les contes de fées. Nous descendons du seuil dans un trou sombre qui sent le moisi. Par le tuyau de la cheminée, cependant, tombe sur l'âtre un filet de clarté nocturne. Tina souffle sur des braises qui charbonnent, y plonge une tige de chanvre soufrée, allume la résine accrochée dans un angle, et je distingue un intérieur de misère paysanne, mais soignée, décente. La vieille occupe un haut lit à forme ancienne, entre la table et le foyer. Elle soulève péniblement sa tête grise, et Tina lui explique qui nous sommes. Elle balbutie, la langue épaisse. « J'ai toujours supplié Saint-Pierre de me faire mourir la nuit des feux, la nuit où les portes du ciel restent ouvertes. « Je vais revenir vous extrémiser, lui dit le vicaire, monté sur le banc de chêne qui permet d'atteindre au lit. Préparez d'ici là votre examen de conscience. » Puis, s'adressant à la fillette, « Tu feras bien d'appeler une voisine. » En passant la marche du seuil, nous entendons la moribonde qui demande à Tina, avec un accent farouche, « Le Tantad était beau, n'est-ce pas ? Et tu n'as pas oublié la cendre, au moins. » 5. Lorsque je me représente, par la pensée, la chambre des hôtes au presbytère de Motreff, je retrouve toute vivante dans mon souvenir la sensation de bien-être simple, réconfortant et doux que j'éprouvais à y pénétrer, sur les pas de la bonne gouvernante, après une journée d'excursion terminée par cette nuit d'apothéose dans la montagne. Et je me rappelle aussi de quel ton discret et religieux Léna me dit, en poussant la porte, « C'est la pièce où couche Monseigneur quand il vient pour la confirmation. » On y respirait effectivement comme une odeur d'église. Un vague parfum d'encens suranné. Le meuble le plus apparent était un prie-dieu, quasi monumental, ou plutôt une sorte de trône à baldaquin, occupant tout l'espace compris entre les deux fenêtres. Le lit se dérobait derrière de grandes courtines de draps sombres. Le parquet ciré luisait comme une glace. Au-dessus de la cheminée, un Christ, de taille presque humaine, se dressait entre deux hauts bouquets de fausses fleurs. Un ordre pieux, une propreté ecclésiastique, régnait jusque dans l'arrangement des chaises, recouvertes de housse d'une blancheur virginale. Léna passa une dernière inspection, s'assura qu'elle avait pensé à tout, même à renouveler l'eau bénite, et me laissa en me souhaitant bon repos. Un coucou sonna 11 heures. Je crus qu'il extravaguait. Il me semblait inadmissible que notre absence eût été si courte. Ne venais-je pas de franchir je ne sais combien de siècles, et de voir se reconstituer sous mes yeux, non pas seulement une époque, mais toute une civilisation disparue. La succession des images avait été si rapide, et si forte leur intensité, que j'en avais perdu la notion du temps réel. J'avais les jambes lasses, mais le cerveau vibrant. J'aurais en vain essayé de dormir. J'ouvris les persiennes, un flot de lune inonda la chambre, et des fraîcheurs de campagne humide entrèrent avec les souffles balsamiques de la nuit. Des souliers ferrés frappèrent le pavé de la cour. Une voix me héla. C'était le vicaire qui reprenait le chemin de Croisouarne, son sac noir en bandoulière, pour aller extrémiser la vieille prieuse. « Voyez donc l'étrange phénomène d'optique, » fit-il. « Ne dirait-on pas là-bas, à la mer ?» Il me montrait de la pointe de son bâton une échappée de landes bleuâtres, fuyant vers le sud, entre deux croupes de terre haute, tel en effet qu'un bras de mer entre deux promontoires. « Il y a même des phares, » répliquai-je, en désignant des feux lointains qui brûlaient encore. Il s'enfonça sous les arbres du verger. Je restai seul à veiller dans le vieux logis presbytéral. J'approchai une table de la fenêtre et, moitié à la lueur d'une bougie, moitié à la clarté de la lune, je me mis en devoir de consigner sur mon carnet de route les péripéties de la soirée. Autour de moi, c'était un silence absolu, féerique, un silence d'enchantement. La voie lactée dormait aux plages du ciel, comme ces rivières marines qui miroitent épandues parmi les sables. De temps à autre, une étoile, innommée, s'épanouissait, décrivait une courbe brusque, phosphorescente, et replongeait dans l'inconnu. Je ne pouvais lever la tête sans voir naître ainsi et sombrer des mondes. Un propos entendu sur le lieu du Tantad me revint à l'esprit. C'était au moment de la débandade. Une fermière, en prenant congé d'une autre, lui avait dit « Allons, Dieu merci, la nuit sera limpide, Marie-Jeanne. » Et Marie-Jeanne avait répondu « Oui, l'on verra passer les âmes. Tâchez d'en compter beaucoup. Et vous aussi. » Douces et poétiques croyances, chaque étoile qui file est une ombre qui se libère, qui émigre des bas-fonds expiatoires vers les sphères de la félicité. La nuit des feux en est labourée de ces blancs sillages d'âmes volantes, d'âmes délivrées. C'est la saison d'amnistie, de clémence divine, d'universel pardon. Péchés d'autrefois, souillures anciennes, la flamme qui court de sommets en sommets a tout épuré. Saint-Pierre, si rude d'ordinaire, se fait accueillant. Pénètre qui veut au paradis, les portes en sont grandes ouvertes. Filez, étoiles, passez, défunts. Et dans les lits clos, les vivants, jusqu'à ce qu'enfin le sommeil les terrasse, demeurent les yeux fixés sur l'étroite lucarne ménagée dans le mur de pierre ou d'argile qui forme une des parois de leur couche. Autant ils auront vu d'astres désorbités traverser ce pan de ciel, autant ils compteront de morts chéries entrées au séjour des pures joies, et naturellement c'est à qui en comptera le plus. L'avant-veille, à Châteauneuf, un sabotier des bois de Trégourès m'avait confié que, la nuit du Tantad, ni lui ni ses compagnons ne restaient enfermés dans les huttes. Chacun s'en va de son côté, gagne quelques roches élevées dans un endroit découvert de la forêt. Il y en a même qui grimpent à la cime des arbres pour embrasser du regard une plus grande étendue de firmament. Au crépuscule du matin, l'on s'achemine vers le rendez-vous convenu, qui est l'auberge la plus prochaine. Là, on s'interroge, on se demande l'un à l'autre, « Combien d'âmes sauvées parmi tes défunts ?» Celui qui en a vu s'évader le moins, pour s'être endormi le premier, paye l'amende, une bouteille d'eau-de-vie, entre tous. On trinque en disant « Dieu fasse paix à ceux qui ne sont plus ». Et personne ne triche ? Question sacrilège à laquelle l'homme avait riposté vertement. C'est un état errant que celui du sabotier. J'ai visité bien des cantons. Je n'ai pas encore rencontré de chrétien qui osa tricher avec ses morts. L'avouerai-je, bercé moi-même, tout enfant, dans ces exquises superstitions de ma race, j'allais, je crois bien, céder à leur magique influence et peut-être m'attacher, comme les pâtres de ces monts, à dénombrer les étoiles fugitives, quand tout à coup le mugissement inattendu d'un cornboud déchira le silence et rompit le charme. On eût dit une de ces sirènes, si mal nommées, qui, par les temps de brume, font retentir de leur son rauque les parages dangereux de la mer bretonne. Ce ne pouvait être la trompe du réveil, appelant les faucheurs aux prairies. L'heure n'était point assez avancée, le coucou ne marquait pas encore minuit. Je me penchai au dehors et prêtai l'oreille. Et là-bas, très loin, vers Cléden Poer, Gourin, Roudou-Alec, je perçus de vagues rumeurs, des murmures de foule. Puis des voix s'élevèrent, éparses, clamant toutes le même chant indistinct. Je reconnus le rythme sauvage, avec son final monotone, strident et plaintif. Hervéer, Diouver. On criait en hâte les enchères tardives autour des derniers Tantad. Soudain, tout bruit se tut. Quand, de clochers en clochers, les 12 coups de minuit tintèrent sur les montagnes, le vaste paysage nocturne s'était déjà recouché dans le silence et l'immobilité. Je me disposais à en faire autant lorsqu'on heurta discrètement à ma porte. Je n'avais entendu ni entrer dans la maison, ni gravir l'escalier. J'ouvris, non sans trouble. Ce n'était que le vicaire. « Trop tard, » me dit-il. « Vraiment, la pauvre vieille ?» Je l'ai trouvée morte, un emplâtre de cendre sur la poitrine. Fin de la section 7.